Donc, dans ce chapitre, on va parler d'exhorter ou réprimander. On va essayer de comprendre pourquoi, dans quel but. C'est pas juste de réprimander pour réprimander, mais il y a une raison dans Timothée de faire ça. C'est ce qu'on va essayer de comprendre et essayer de voir qu'est-ce que ça vient faire on parle surtout des veuves et des anciens dans le chapitre 5. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce que ça vient faire dans le fait de redresser l'Église, de la ramener à être dans la bonne voie avec Dieu et de la maintenir. C'est pas toujours de redresser, puis à coup qu'on est redressé, on laisse aller. Donc, il faut redresser et maintenir le plus possible dans la voie de la vérité. Donc, on va commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, c'est un privilège que nous avons de s'asseoir entre frères et sœurs et de vouloir entendre ta parole. On veut que tu nous parles en groupe et aussi individuellement. Et enfin, que Seigneur, on puisse être le reflet de ta personne, le reflet de ton Fils. Afin qu'on puisse mieux comprendre, toujours mieux comprendre et mieux appliquer dans nos vies ce que tu nous as révélé de toi. Au nom de Jésus, amen. J'écoutais un enseignant cette semaine et ça me rappelait un temps de ma période à moi d'enseignement où est-ce qu'on faisait du thématique. Thématique, thème, on enseignait sur la prière, on enseignait sur la foi. On pouvait faire 5 semaines sur le mariage et le divorce. On faisait des thèmes. Et ce n'est pas défendu par Dieu de faire des thèmes. Mais la Bible n'a pas été écrite en thèmes. Elle a été écrite en livres. Elle a été écrite comme des lettres. Une lettre, ce n'est pas des thèmes. C'est une. Tu dis un bonjour, tu parles à quelqu'un de précis, et tu as un sujet que tu veux lui parler. Et c'est souvent l'idée. Donc, le thème, puis ce pasteur-là, mais j'ai pu y parler, puis j'ai dit, il dit, de plus en plus j'avance, de plus en plus je veux mettre de côté le thématique et d'enseigner des livres, vraiment des livres. Et si tu n'es pas habitué, j'ai dit, commence par les plus petits. 3 Jean, mettons. Il y a un chapitre. Commence par 2 Jean, 2, 3. Commence par des petits livres, ça va te faciliter le travail. Fait que nous autres, on est habitués depuis 10-12 ans qu'on fait des livres. Et le livre de Timothée, c'était écrit par Paul. Et Paul écrit à quelqu'un. Quand on dit qu'un homme écrit à un groupe ou un individu, on appelle ça une lettre. C'est pour ça qu'on appelle ça les lettres de Paul à Timothée. C'est une lettre. Et on a compris qu'il l'a laissé dans une église précise, à Éphèse. Et il y avait un besoin précis à Éphèse, c'était de redresser l'église, redresser par le fait de, premièrement, reconnaître qu'est-ce qui était de travail. Parce que tu ne peux pas redresser si tu ne sais pas c'est quoi qui a redressé. Donc, il dit, il y a des gens dans l'Église qui enseignent d'autres doctrines. Et par d'autres doctrines, ce n'est pas toujours des doctrines complètement neuves, il y a des doctrines changées des fois. Il va en parler dans la deuxième épître, il va les nommer, il dit, ils enseignent que la résurrection, donc c'est une doctrine vraie la résurrection, là, la résurrection est déjà arrivée. Ils ont juste changé la doctrine de la résurrection. Ils n'ont pas ajouté de nouvelles. Mais Paul lui appelle ça d'autres doctrines. Okay. Puis en même temps, on a vu qu'il y a une tendance dans les églises. D'ailleurs, je suis en train de me montrer dans les années 200, qu'est-ce qui s'est passé dans les églises. On a eu un grand débat au concile, dans les conciles, par rapport à la personne de Jésus. Étais-tu deux êtres, deux natures? La nature humaine et la nature divine, était-tu une nouvelle sorte de nature, un mélange de humain et de divin, ou était-tu plus divin avec une apparence seulement humaine? Il n'était pas humain, mais il avait une apparence humaine. Puis d'autres allaient dans l'autre direction. Il était un être humain, puis il y avait peut-être un peu de divin dedans, mais il n'était pas vraiment complètement Dieu. Puis il y en a qui ont dit qu'il était Dieu, mais pas le vrai Dieu, l'unique Dieu. Donc, il y a eu toutes sortes de nuances. Et je vous ai déjà dit, il me semble, que la doctrine la plus attaquée dans toute l'histoire de l'Église, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est pas si on doit se marier ou pas, c'est pas si on doit prendre le repas du Seigneur avec du pain sans levain. La doctrine la plus attaquée dans toute l'histoire, c'est la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est la doctrine qui fait foi de toutes. S'il n'est pas vraiment, tout le restant de la Bible tombe à l'eau. Toute la foi arrête. Si Jésus n'est pas Dieu, tout tombe à l'eau. S'il n'est pas un être humain, tout tombe à l'eau. S'il n'est pas été envoyé par Dieu, tout tombe à l'eau. Donc, c'est ça qui est important. D'autres doctrines, tu sais, des fois, on va dire, ça, c'est une doctrine absolue. Il faut qu'elle soit là, il faut qu'elle soit correcte. D'autres doctrines qu'on appelle, mettons, comment de fois on parle du repas du Seigneur. Une fois par semaine, une fois par mois, on dit que ce n'est pas absolu. On peut vivre avec ça dans la vie chrétienne avec des nuances. Mais on ne peut pas vivre entre nous ou avec d'autres églises avec des nuances par rapport à Jésus. Non, il faut que ce soit bien ça coche, cette affaire-là. Et l'apôtre Paul, lui, il dit, et vous avez laissé entrer, vous vous êtes attachés, c'est plus que l'entrée, ils se sont attachés à d'autres choses qui appellent, lui, des vains discours, des contes, des fables, des contes absurdes, des contes. On laisse entrer des choses dans l'Église qui, sans s'en rendre compte, avec le temps, vont devenir des doctrines absolues. On va en faire un absolu. Au début, quand ça a rentré, c'était pas un absolu. Si vous étudieriez, mettons, le parler en langue dans l'histoire de l'Église, vous verrez, ça n'a pas toujours été comme un absolu, cette affaire-là. Mais certains mouvements, maintenant, ils disent, si tu parles par langue, c'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Je dis, là, on en fait quelque chose de pas mal plus grave. OK, c'est pas pareil. Parce que parler en langue, si tu dis, je parle en langue, mais ici, le pasteur, ici, il parle en langue, puis il y a bien des choses que je pourrais croire avec lui, puis il n'en fait pas une absolue, puis il n'en fait pas... Quand on s'est rencontrés la première fois, il t'affraie, même si moi, je ne parle pas en langue, toi, tu parles en langue, on est des frères quand c'est dans la foi quand même. C'est pas dire, tu n'es pas un frère parce que tu parles pas en langue. C'est pas pareil, là. Donc, il y a des choses qu'on va laisser entrer, des fois, dans l'Église, qui vont pas être un absolu, mais avec le temps, ça va devenir des absolus. Et là, ça va devenir comme si tu ne fais pas ça, là, tu me demandes si tu es un chrétien. Ça devient comme ça. Et l'apôtre Paul, pour aider Timothée à redresser l'Église, bien, il va lui donner des enseignements, des principes. Donc, il va lui parler de le rôle de l'homme, du rôle de la femme. Il va parler des évêques, il va parler des diacres ou des serviteurs. Il va parler de différentes choses pour aider l'Église à se redresser et à se maintenir dans la foi. Toutes ces choses-là vont aider l'Église à rester dans la vérité. Des fois, ce que j'ai étudié, des fois, ça semble tellement innocent quand ça rentre dans l'Église. Mais avec le temps, ça devient une catastrophe. Et dans le chapitre 4, la semaine passée, on a vu que l'apôtre Paul, il a dit à Timothée, si tu veux redresser l'Église et tu veux la maintenir dans la vérité, il va falloir que toi, tu te sauves toi-même et tu sauves les autres qui vont te suivre. Ça, c'est un langage qu'on n'est pas habitué, mais il voulait dire te sauver ou te garder de ces choses-là, des fausses doctrines, des discours vains. Il va falloir que tu te gardes de ça. Si tu ne réussis pas à te garder toi-même de ça, comment vas-tu garder les autres? Comment vas-tu protéger les autres? Puis pour le faire, il va lui dire à Timothée, exerce-toi à la piété. Puis il va lui dire, attache-toi à l'enseignement, à l'exhortation, à la lecture de la parole. Et ainsi, tu te sauveras toi-même et tu vas sauver les autres. Donc, c'est toutes des choses qu'il va dire à Timothée pour lui, premièrement, et pour l'Église d'Éphèse. Dans la deuxième épître de Timothée qu'on va voir, vous allez voir qu'il devient beaucoup plus personnel avec Timothée. Là, ce n'est plus Timothée avec l'Église d'Éphèse, c'est Timothée lui-même. Même des fois seulement, il est-tu encore à Éphèse? Okay? Parce que dans la deuxième épître, il va dire, « J'ai envoyé Tychique à Éphèse. » Là, tu te dis, il envoie-tu Tychique pour aider Timothée ou s'il envoie pour remplacer Timothée? Mais la deuxième épître, c'est surtout plus pour Timothée et lui, et Paul. Donc, ça va être plus personnel que la première épître. Et aujourd'hui, on arrive dans le chapitre 5, et là, on se demande, qu'est-ce que ça vient faire, des fois, la question des veuves et des anciens, encore une fois, il va parler des vieillards, une gang ici, ça s'adresse à nous autres, tu sais, là, les vieillards, les vieilles femmes. Là, il parle de jeunes, mais on va l'oublier, celui-là, c'est pas pour nous autres. Mais c'est vraiment spécial, vraiment intéressant. Donc, ce qu'on va faire, on va lire le chapitre. Le chapitre, on va commencer par... Je vais lire juste le verset 1 et 2. Okay, juste le verset 1 et 2, et on va essayer de commenter là-dessus. Mais l'ensemble, c'est on va voir d'exhorter ou réprimander les vieillards et les personnes. Alors ça, il va parler au niveau des veuves, et ensuite ça, parler des anciens. Probablement qu'on ne se rendra pas aux anciens aujourd'hui. Parce que les veuves, là, il va falloir que vous fassiez un effort de concentration. Okay? Parce que je vais vous emmener quelque chose de nouveau. Une façon nouvelle. Je vous dis, moi, j'étudie dans le contexte depuis 25 ans. Des fois, je m'aperçois que je me suis trompé moi-même dans mon propre interprétation du contexte. Ou je comprends mieux. Je ne sais pas si c'est à faux, mais je comprends mieux le contexte. Je vois mieux qu'est-ce que l'auteur voulait en venir. Puis comme vous autres, je suis comme vous autres, c'est dur d'enlever ce qu'on a déjà appris. Et c'est dur d'enlever ce qu'on a déjà appris. J'étais avec mon frère Denis cette semaine, on parlait des miracles. On avait lu un texte dans Matthieu, puis on parlait de Jésus faisait des miracles partout, puis tout ça. Puis j'ai demandé, pourquoi tu penses que Jésus a fait tant de miracles pendant 3 ans? Je le savais qu'est-ce qu'il répondrait. C'est moi qui ai appris il y a 40 ans en arrière. Tu sais. Il m'a répondu la même affaire que j'avais dit. Mais j'ai dit, c'est pas tout à fait ça, Denis. J'ai dit, on va changer de façon d'avoir les choses. Parce qu'on fait que quand on arrive, puis on lit le texte, soit ce qu'on lit par nous autres mêmes, ou quelqu'un nous en parle, on a tendance à se rappeler. Vous savez, les Jésuites, qu'est-ce qu'ils disaient? Les Jésuites, ils disaient, donnez-nous vos enfants de 0 à 5 ans, puis ils vont rester chrétiens, catholiques toute leur vie. Parce qu'on se sépare rarement de ce qu'on a appris de 0 à 5 ans. Rarement. Ça prend vraiment un effort. Et moi, je dirais plutôt, en tant que chrétien, ça prend une intervention de Dieu pour changer vraiment notre façon de voir. Donc, l'Église est comme ça. Moi, je suis comme ça, puis les autres sont comme ça. Donc, quand on entend quelque chose, on a tendance à se rappeler ce qu'on avait appris. Et donc, quand on veut changer ça, il faut faire un petit effort. OK? Il faut faire un petit effort. Versets 1 et 2. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. On a quasiment l'impression là, qu'il parle à toute l'Église. Les vieillards, les vieilles, les jeunes. Jeunes, ça veut dire quoi pour lui? 10 ans et moins ou 20 ans ou 30 ans et moins? Moi, je crois que c'est plus 30 ans et moins, les plus jeunes. Mais il donne deux choses. Je ne sais pas si vous avez d'autres traductions que la mienne. Est-ce que vous voyez une différence entre réprimander et exhorter? Parce qu'il dit les deux. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais plutôt exhorte-le. Comment vous voyez la différence entre les deux? Exhorter, c'est plus encourager. Mm. Réprimander, c'est plus sermonner. Mais alors, ta femme, elle sait que ça veut dire quoi? Oh, hein? Non, mais une réprimande, c'est quelque chose que tu vas... Donne-nous un exemple, donc, ce que vous voulez dire. Vous avez fait une réprimande, ça voulait dire quoi? Toi, vous voulez réprimander, vous avez réprimandé quelqu'un ou un enfant. Ça serait quoi un exemple de réprimande? Ben, si je demande à mon enfant de faire telle chose de telle façon, puis il ne la fait pas de cette façon-là, okay, là, je vais le réprimander parce qu'il ne l'a pas fait de la façon que j'avais demandé. Oui, là, tu essaies de m'expliquer le mot réprimander, mais tu me donnes un exemple. Un exemple? Un exemple. J'ai demandé de sortir le chien. Pourquoi t'as pas sorti le chien comme je t'avais demandé? Ça, c'est une réprimande. Ouais, okay? C'est ça. Je t'avais dit de l'attacher, puis il t'a pas attaché. Là. Il y a eu le courant. Ouais, c'est ça, c'est une réprimande. Des réprimandes, c'est tu déclares plutôt un fait. T'as pas fait ça. Tu fais jamais ça. Ça, c'est une réprimande. Mais l'encouragement, c'est différent. L'encouragement, c'est le mot dans le grec, là, c'est le mot parakletos. Ça ne vous dit rien, mais c'est le même mot que pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un paraclet, un paraclectos, quelqu'un qui vient se mettre aux côtés d'eux. Ce n'est pas juste encourager. Je t'encourage, mon Gaétan, lâche pas, continue. C'est plus que ça. C'est que tu vas te mettre aux côtés et tu le fais avec lui. Okay? Si tu dis à ton gars, va attacher le chien, tu dis, viens, je vais aller l'attacher avec toi, je vais te le montrer, je vais le faire avec toi. Là, tu es un paraclet. Là, tu l'accompagnes. C'est ça que ça veut dire encourager. Tu vas te mettre aux côtés. Tu dis, oui, c'est comme ça, c'est bon, c'est comme ça. Ah non, pas tout à fait demain, gars, je vais te le montrer. Là, tu vas le faire avec lui pour qu'il apprenne à le faire. Donc, ça, c'est beaucoup plus qu'une réprimande. Donc, il dit, quand tu vas avoir dans l'Église des choses à reprendre, parce que les vieillards, les femmes âgées, les jeunes hommes et les jeunes femmes avaient été influencés par les fausses doctrines. Ils avaient été influencés par ça. Tu ne peux pas vivre dans un groupe, dans une église, qui enseigne des fausses doctrines depuis un an, deux ans, dix ans, et que tu as adhéré à ces choses-là, tu les as crues, et tu as essayé de les mettre en pratique. Et là, tout d'un coup, tu vas dire, « Oh, mais ça, un chrétien, ça ne fait pas ça. » Puis tu le laisses là, puis ça va. Pff, il va se sentir cheap un peu, le gars. Mais ça ne va pas l'aider, là. Tu sais ce qu'il va faire? Il va continuer à le faire, vraiment. Parce que vous pouvez essayer de réprimander les gens sans vraiment les accompagner, les exhorter, puis tu vas le voir, ça ne change pas grand-chose. Il va peut-être devenir comme un... Ça va passer sur d'autres canards, il va se redurcir, ça ne fera plus rien. Il va dire, oh, « Oui, oui, je m'assis, mais dans mon cœur, je reste debout. » Tu sais, là, c'est, ça ne va pas vraiment faire la job. Mais si... Il dit, quand tu vas avoir à reprendre les gens dans l'Église... Il va falloir que tu les accompagnes pour qu'ils puissent changer. Parce qu'ils ne vont pas changer si tu fais juste les réprimander. Puis encore moins si tu le fais rudement. Encore moins. Donc, il dit à Timothée, il va falloir que tu exhortes les gens. Et l'exhortation, dans la compréhension de la langue originale, il y a toujours une question de temps. Dans la réprimande, il n'y a pas de temps. Tu fais juste « bang », tu te dis. Tu es perdu. Ça ne dure pas longtemps, c'est une chose que tu dis. Mais quand tu dis « je vais t'exhorter », tu sais qu'on est perdu en tant qu'être humain, puis là, tu vas accompagner la personne pour qu'elle puisse comprendre et sortir de là. C'est comme on avait vu un peu la semaine passée, quand il dit « déclare ces choses » et « ou enseigne ces choses ». Là, c'est deux choses différentes. Je peux déclarer une vérité, mais si je peux l'enseigner, ça va faire différent aussi. L'enseignement, comment ça prend le temps à enseigner un enfant pour qu'il devienne un adulte qui fonctionne bien? Une vingtaine d'années. Ça se fait pas en 10 jours, ça se fait pas en 5 jours. Donc, ça prend du temps. Et dans l'exhortation, ça prend aussi du temps. Ça prend du temps parce qu'il faut t'accompagner les gens dans cela. Donc, il doit tranquillement aller voir les vieillards, aller voir les vieilles femmes, aller voir les jeunes et les frères ou les jeunes sœurs ou les jeunes vins et leur dire, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis que ça, c'est pas correct et pourquoi ça, c'est correct et quel lien qu'il y a entre ça et le restant des Écritures. Quand j'étais jeune chrétien, peut-être comme vous autres, on m'a fait des réprimandes. Un chrétien, ça ne fume pas. On m'a dit ça quand j'étais jeune. Un chrétien, ça ne boit pas. Okay. Mais on ne m'expliquait pas vraiment le pourquoi. Oui, je me dis. Puis c'était comme ça. Et c'est, là, ben, des fois, tu décidais d'obéir et que tu arrêtais de fumer. Mais tu ne savais pas trop pourquoi. Tu ne savais pas quel lien que ça voulait faire, que tu aies de la fumée dans les poumons. Qu'est-ce que ça vient faire avec le salut? Qu'est-ce que ça vient faire avec la gloire de Dieu? Qu'est-ce que ça vient faire? Tu ne le comprends pas vraiment. Mais si tu prends le temps de dire pourquoi, je vais essayer de t'expliquer pourquoi je dis que ce n'est pas correct, et pourquoi, un exemple dans la Bible, Paul, dans Romains, il va parler de ceux qui mangent des légumes et ceux qui ne mangent pas des légumes, ou qui mangent de tout. Il ne fait pas juste dire « c'est correct ». Non, il prend tout un chapitre pour essayer d'expliquer pourquoi c'est correct de manger juste des légumes, et pourquoi c'est correct de manger de tout. Et les liens, les raisons, il explique le pourquoi. Ça, je l'appelle ça de l'enseignement. Il aurait pu juste dire, « Hey, la gang, arrêtez de vous chicaner, là. Vous pouvez manger ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, c'est correct. » Mais on n'aurait pas compris vraiment pourquoi que c'était comme ça. Donc, il va enseigner. Donc, si vous avez besoin, des fois, d'aller voir des gens que vous pensez qu'ils sont... Je parlais avec des chrétiens qui sont retournés dans une église baptiste. J'ai dit, n'essayez pas de leur emmener votre croyance rapidement. Ça va peut-être vous prendre 3, 4, 5 ans avant d'être capable vraiment de les encourager à aller dans la bonne direction. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tu ne peux pas arriver au rôle de pasteur ou un chrétien. C'est pas correct ce que tu crois là, c'est une hérésie. Là, je fais juste une réprimande, je ne fais rien d'autre. Il ne va pas me croire le pas du temps. Okay, donc, l'apôtre Paul dit cela. Mais là, il va tomber, à partir du verset 3, il va tomber d'une façon plus spécifique. Il va parler des veuves. Puis il en parle pas mal long, je trouve, pour ce sujet-là. Mais toutes les fois que j'ai entendu parler de ces textes-là, en général, c'est parce qu'on est en train de faire une thématique sur les veuves. Ou aider les gens qui ont tant de besoins. OK? Donc, on va aider les veuves, on va aider les orphelins, on va aider les gens. Ici, t'es la mort de la nourriture, vous avez pas mal remarqué, hein, pour les gens. Puis, monsieur Albert m'avait dit, François, s'il y a du monde dans ton groupe qui ont des besoins, on peut leur donner des paniers de Noël. T'sais. Ça, c'est... On avait des ministères dans l'Église, on ramassait des biens ou des fonds ou des argents pour aider les veuves et les orphelins. C'est ce qu'on voulait dire, ou les gens pauvres en général. Mais l'auteur, je ne pense pas que c'est son but ici. Il n'est pas juste en train de dire, je vais vous donner une idée, puis vous devriez avoir dans votre église un ministère pour vous occuper des veuves. C'est plus complexe que ça un petit peu. Parce qu'à travers le travail qu'il va faire ici, on a vu verset 1 et 2, ça va aider à redresser l'Église. Si tu les réprimandes, puis tu les exhortes, bien comme il faut, bien, ils vont se redresser tranquillement, et l'Église va prendre sa place, puis elle va continuer. Quand on va parler des veuves. Quand on va parler des veuves, il faut voir la même chose. À travers les veuves, il veut redresser l'Église, qui est partie de travail, et qu'elle continue dans la foi. C'est toujours le même but. C'est toujours d'aider l'Église à revenir et à avoir une conscience pure, une foi pure, un cœur pur. Il veut toujours ramener l'Église. Pourquoi? Pourquoi vouloir ramener l'Église? Pourquoi vouloir redresser l'Église? Pourquoi? Pourquoi passer du temps? Pourquoi en faire une priorité? Pourquoi c'est si important de redresser? C'est la colonne de la vérité. Et si elle n'est plus la colonne de la vérité, ça va avoir des conséquences. Si elle est la colonne de l'appui de la vérité, ça va avoir des conséquences aussi. Mais quelle est la conséquence du fait qu'on est la colonne de la vérité, ou l'appui et la colonne de la vérité? Ça va avoir quoi comme conséquence? Tu vas être glorifié. Oui. C'est pour ça qu'on veut ça. On veut redresser. C'est pareil comme si quelqu'un ferait une image, un portrait de vous. Mais il a manqué son coup un peu. Et là, il dit, ben, on va l'emmener et puis on va essayer de l'aider à corriger un petit peu la photo pour que ça ressemble plus. Parce que là, c'est un portrait de François, mais il ressemble. Bon, je ne veux pas François là-dedans. Ben, on va l'emmener à un peintre, puis le peintre va essayer de corriger ça un petit peu pour que ça ressemble à François. L'Église, c'est le portrait de Dieu. C'est l'image de Dieu dans le monde. Donc, si tu veux connaître Dieu, tu sais, on peut connaître Dieu à travers la nature, qu'on dit. Mais on peut connaître Dieu à travers l'Église aussi. Donc, c'est important qu'on donne une image claire de la personne de Dieu. Mais elle ne sera pas claire pour les autres. C'est déjà pas clair pour nous autres. Il faut qu'elle soit claire pour nous. Donc, il va parler des veuves. Je m'excuserai si je dis veuf. Je me trompe des fois. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Qu'est-ce que vous trouvez de spécial dans ce verset-là? Les vraies veuves. Hein? Les vraies veuves. Quand j'étais à Drummondville l'autre jour, j'étais... Les fausses veuves, ça se dit plus. Hein? Les fausses veuves. J'étais avec une... C'est ça. J'étais à Drummondville avec une Lavoie, puis Chantal regarde sa mère. Sa mère est veuve. Elle n'est pas croyante. Quand j'ai demandé c'est quoi une veuve, ben je sais c'est quoi, c'est une femme qui a perdu son mari. C'est pas bien compliqué. T'es veuve ou tu ne l'es pas. T'es veuve ou tu ne l'es pas. Il n'y a pas de véritable, pas de véritable. Donc, ça veut dire qu'il veut nous emmener ailleurs. Il veut nous emmener dans une autre direction. Parce que ça ne faut pas avoir fait un baccalauréat ou un doctorat en théologie pour savoir qui est veuve. Qui est veuve? C'est facile à savoir. Donc, quand il parle de véritablement veuve, parce qu'il va les comparer avec ceux qui veulent lui, qui ne sont pas véritablement veuves. Donc, il y avait dans l'Église des veuves, des vrais, des non-vrais, des pas vrais. Mais c'était toutes des femmes qui avaient perdu leur mari, là. Parce que tu ne les appelais pas veuves c'était encore mariées. Donc, ça veut dire qu'ils regardent quelque chose d'autre ou quelque chose de plus pour qu'on comprenne ça. Mais remarquez bien que l'encouragement ou l'exhortation de Paul ou de Timothée n'est pas aux veuves, mais à l'Église qui a des veuves. Il n'exhorte pas les veuves. Il ne parle pas aux veuves ici. Il parle du comportement de l'Église envers les veuves. OK? Donc, c'est important de bien saisir ça. Parce que tous les gens à Éphèse, vous allez voir, ils savent c'est quoi une veuve, ils sont capables de savoir ça, là. Ils sont assez intelligents. Mais ils semblaient avoir de la difficulté avec les véritables veuves et ceux qui ne sont pas vraiment les veuves. Donc, vous allez remarquer que le langage employé, il ressemble à d'autres choses qu'on a déjà vues. Vous essayez de me dire ce que ça vous fait penser. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais, là, il compare avec un autre. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas besoin si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'est pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, ils veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisifs, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison. qu'il ne donne à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves, qu'il les assiste et que l'Église n'en soit point chargée afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Donc, pourquoi il parle de ça? Il parle de ça pour que l'Église sache comment agir avec les veuves. Donc, il veut que l'Église prenne en charge seulement les véritablement veuves et que les autres veuves, que l'Église n'en ait point la charge. Donc, c'est pour l'Église qu'il parle. Il donne des critères ou des principes pour gérer ça. Mais est-ce que c'est gérer? Parce que gérer, OK, Joe n'a pas été une veuve. Bon, on va dire Joséphine, Françoise, on a une liste, là. Ça, c'est les veuves. Puis à Noël, vous êtes eux autres, vous allez amener les paniers de Noël. Pas bien ben compliqué, là. Non, ça ne prend pas un enseignement de 3 semaines pour comprendre ça, là. Mais c'est pas ça l'idée, là. C'est pas ça l'idée. Paul veut que l'Église s'occupe seulement des veuves qui sont véritablement veuves. Pourquoi ça? Est-ce que ces veuves-là sont plus intelligentes, plus belles, plus aimées que les autres? Parce que les autres veuves, eux autres, qu'est-ce qu'on en fait? Ils ne s'en occupent pas. Parce qu'ils disent, ce n'est pas la responsabilité de l'Église, ça devrait être la responsabilité d'autres personnes. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi ils parlent de ça. Et qu'est-ce que ça vient faire dans l'Épître à Timothée? Parce que... Est-ce qu'il a parlé au début, là, des femmes, de vieilles femmes, tout ça, c'est parce qu'il va avoir un lien pour qu'il en parle aussi longtemps, des veuves? Y a-t-il un lien avec le fait qu'il y avait des fables de vieilles femmes? On avait vu des vieilles femmes, on avait vu plutôt que c'était peut-être une expression que d'autres choses. Parce que là, il y a des veuves jeunes aussi, puis c'est pas un critère, là. C'est pas le critère qui amène ici. Et ça n'a pas un lien avec le fait qu'ils vont de maison en maison? Oui, ça a une de ces raisons-là, parce qu'ils sont en comparé avec les veuves, les véritables veuves, les autres, ils ne font pas ça. Okay? Donc, mais si je vous dis que s'occuper d'une veuve, c'est autant spirituel que physique, ça va changer la donne. Quand je dois m'occuper des veuves, ce n'est pas juste physique. Et c'est aussi spirituel. Parce qu'il va parler des critères ici, c'est pas juste, comme on a vu tout à l'heure. Premièrement, on aurait dit, une veuve, on sait, là, Chantal est veuve, son mari est mort. On va aller s'occuper de celle-là, tu sais. Mais c'est pas ça, parce que les critères qu'il amène sont plus spirituels que d'autres choses. Parce qu'on va parler de la véritablement veuve qui passe du temps dans la prière, puis ici, puis ça. Et l'autre veuve, elle est dans les voluptés, dans les plaisirs. Donc ça, c'est spirituel, c'est moral, c'est pas juste un état civil. Si ça serait juste un état civil et juste un état monétaire, ça serait bien plus facile à gérer. Puis en même temps, je me suis posé la question, j'ai 47 ans de vie chrétienne à peu près. J'ai jamais rencontré de femmes dans nos églises qui sont des veuves et qui ont besoin financièrement. Ils avaient toutes leurs pensions, leur ci, leur ça. Ils vivaient tous. Puis ils n'étaient pas dans la misère. Ce n'est pas tous des gros luxes, là, mais ils n'étaient pas dans la misère, en généralement. Donc là, on dit, ben, tout passage-là, c'est plus à la mode pour les années 20-23. On ne s'occupe plus de ça, le gouvernement s'en occupe. Mais ça va plus loin que ça, là. Ça va plus loin que ça. Il y a un principe de base qu'on va voir qui s'applique à tous les principes de la vie chrétienne, non pas juste pour les veuves. Pas juste pour les veuves. On pourrait l'élargir aux veufs. On pourrait l'élargir à toutes sortes de situations dans nos vies chrétiennes. Donc, il dit, on retourne au verset 3. Avez-vous remarqué le langage et à quoi ça vous a fait penser, ce langage-là? Ça vous a-tu rappelé autre chose? C'est-tu dans, tu dis, dans le honore ton père et ta mère, toi, c'est pas ça que tu veux dire. Ça va, je parle plus dans Timothée, puis honore ton père et ta mère, c'est pas dans Timothée. C'est le même langage, on parle de la veuve, ici, de la véritablement veuve. Pour elle, là, on appelle le même langage que pour les évêques et pour les diacres, ou les serviteurs. C'est le même langage. Elle doit être aussi élevée spirituellement, si on peut dire ça, même si on parle d'élevée, là, que l'évêque ou le serviteur. Ou le diacre. Si tu veux mettre une femme sur le rôle, on va parler de ça, c'est quoi ce rôle-là tout à l'heure, là. Les critères pour la mettre en place dans le rôle, les critères sont aussi forts pour elle que pour l'évêque, ou l'ancien, ou le pasteur, ou le serviteur, ou le diacre qu'on appelle. C'est la même affaire, c'est la loi, le langage. On avait vu que celui qui aspire à la tâche d'évêque et aspire à une tâche excellente ou honorable. On dit que le diacre, s'il fait bien son rôle, il va avoir une place honorable dans l'Église. Et la veuve qui est véritablement veuve, on doit l'honorer aussi. Il va parler juste après des anciens, donne-leur une double honneur. Vous devez les honorer tous les anciens. Mais certains avec une double honneur, ceux qui travaillent à l'enseignement ou à la prédication. Mais la veuve, on doit aussi, la véritable veuve, on doit aussi l'honorer. Ah, là, ça nous donne une autre histoire, ça nous donne une autre façon de voir la situation. C'est pas juste une femme vieille qui a des besoins, qui n'est pas vraiment riche, puis elle a la misère à lever sa courbe, la neige, va donc lever sa neige. Puis c'est pas tout à fait ça dont on parle. OK? C'est pas tout à fait ça dont on parle. Parce que ça va, c'est bon, c'est bien de le faire. Là. Je ne dis pas si tu le fais, continue à le faire, c'est correct. Mais c'est pas de ça dont on parle ici. Là. OK? Donc, il faut faire bien attention. Donc, il dit, on doit honorer seulement, c'est un terme qui est expressant, ça ne veut pas dire que les autres veuves, parce qu'il y a d'autres veuves qui sont très respectables, mais on ne doit pas les mettre sur le rôle pareil. Okay? Donc, c'est des veuves, eux autres, ça va être un autre domaine. Puis il y a des veuves, eux autres, il faut vraiment les reprendre, ceux qui sont dans la volupté, ceux qui ont commencé à suivre Satan. Eux autres, c'est une autre histoire. Okay? Là, on va en parler en s'en allant. Mais on va voir qu'il y a plus que deux sortes de veuves. Il y a des veuves, il y a des veuves véritables, puis il y a des veuves réprimandées parce qu'ils sont dans la volupté, dans le péché. Donc, on va voir que ce n'est pas vraiment seulement un état civil, c'est pas seulement une question de besoins financiers. Pourquoi qu'il dit 60 ans? C'est parce que... Non, on en parlait, mais qu'on arrive là, OK? Attends-moi, va pas trop vite. Il dit, si, au verset, donc si elle est véritablement veuve, chacun de nous ici, là, dans l'Église, chacun de tous les croyants dans toutes les Églises, s'il y a des veuves véritables, on doit les honorer. Hein? Ça me fatigue de demander tout à l'heure. Vas-y. Peut-être que vous n'y êtes. Mais une veuve, c'est-tu une femme ou un homme? Est-ce son mari est mort ou cet homme? C'est une veuve, c'est son mari est mort. Okay. C'est ça dont on parle. Une femme seule, c'est pas fait divorcer, c'est pas une veuve. Non. Elle n'est pas divorcée, elle devrait rester avec son mari. Donc, ouais. Mais c'est pas de ça qu'on parle. On parle de ceux vraiment qui sont veuves. Veuves dans le sens, là, son mari est mort. OK? C'est pour ça qu'il va dire au verset 4, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, donc ça veut dire quoi? Elle a eu des enfants avec son mari à quelque part, puis elle est rendue à 60 ans parce qu'elle a des petits-enfants. OK? Puis ça, monsieur, aujourd'hui, mon gars a 45 ans à peu près, puis il est déjà grand-père, donc il a des petits-enfants. OK? Vous n'avez pas besoin d'avoir 60 ans pour ça. Mais ça veut dire qu'elle a eu une famille normale. Elle est mariée, elle a eu des enfants, Les enfants se sont mariés à leur tour, puis ont eu des petits-enfants. Si elles n'ont, qu'elles apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Donc, il y a des veuves qui ont des petits-enfants ou des enfants, et ces enfants-là, ces petits-enfants-là, devraient exercer la piété envers. Exercer la piété, on a vu ça voulait dire quoi? Mettre en pratique la foi. OK? Mettre en pratique la foi. Ils devaient exprimer leur foi en s'occupant de leur mère. Et pourquoi? Parce que c'est agréable à Dieu de faire ça. C'est agréable à Dieu. Donc, ces veuves-là ne seront pas des véritables veuves. L'Église ne les prendra pas en charge. Parce qu'elle doit prendre en charge seulement les véritables veuves. Mais si la famille s'en occupe, l'Église s'en occupe pas. Donc, elle est veuve. Mais si elle a des enfants qui ne sont pas croyants, ça n'a pas d'importance. Ils ne peuvent pas l'aider, là. Pour nous autres, là, c'est un principe général. Dieu veut ça pour tout le monde. Mais le chrétien, lui, il devrait le faire parce que ça fait plaisir à Dieu. Il sait que c'est ça que Dieu veut. OK? Donc, c'est vrai que je crois qu'à cette époque-là, si ta mère est donc tombée veuve et tu ne voulais pas t'en occuper, tu étais mal vu par la société, pas juste par les chrétiens. Là. La société t'a regardé de travers. Quelle sorte de famille de bâtards qui s'occupent seulement pas, même pas de l'humain. Ça a été très mal vu. Mais ici, Paul, lui, il parle aux chrétiens. Les chrétiens qui ont des veuves. Parce qu'à la fin, vous avez vu tout à l'heure, si un frère ou une sœur, il dit ça comment? Je vais vous le lire. Si quelque fidèle, homme ou femme, a une veuve. Là, on parle aux chrétiens. C'est aux chrétiens qu'il parle. Il ne parle pas aux inconvertis, là. Là, il parle de ce qui se passe dans l'Église. Et rappelez-vous, en faisant ça, il veut redresser l'Église. Il n'est pas en train de vouloir redresser les inconvertis, là. C'est bien sûr, si ses enfants sont pas croyants, puis ils rejettent leur mère parce qu'elle est devenue croyante, c'est une autre histoire. OK? Mais c'est pas de ça qu'on parle. C'est pas ça. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être dans le décor. Mais ça semble pas ça dont il veut qu'il nous parle, vraiment. Parce qu'il s'adresse surtout aux fidèles et aux familles de ces femmes-là qui sont des croyants dans l'Église. Parce que tu peux pas t'adresser à... Timothée ne pouvait pas aller s'adresser aux inconvertis et dire « Occupez-vous donc de votre mère. » Ça ne marchera pas de même. Mais, il dit, je retourne à mon point de départ, ça c'est... si puis moi, j'ai regardé dans ma vie, et dans ma vie depuis 47 ans chrétien, je n'ai pas connu de veuve qui n'avait pas d'enfants et de petits-enfants. Tout le monde en a. Les veuves qui ont été mariées pendant X temps, à la plupart du temps, 99 % du temps, ont des enfants ou des petits-enfants. Et ça devrait être eux autres qui s'en occupent. En général. Puis dans l'Église, en connaissez-vous des veuves? Vous, dans l'Église, vous avez été, est-ce que vous avez connu des veuves qui n'avaient pas d'enfants et de petits-enfants? Tout à l'heure, ça va aller bien plus large que ça. Il va dire, n'importe quel frère et sort dans l'Église qui a des veuves, il devait s'en occuper. Là, il sort de la famille. Il va plus loin que ça. Okay? Donc, si toi, tu connais que des veuves, tu devrais t'en occuper. Tu devrais t'en occuper pour que l'Église s'occupe des véritables veuves. C'est ça le but. Le but, c'est que l'Église va s'occuper seulement que des véritables veuves. Donc, voici, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne suis pas entendu. T'es veuve, mais tu l'es ou tu ne l'es pas. Les véritables, c'est quoi ça? C'est quoi une pas véritable? On y arrive, là, mon chum. Attends-moi. Suis-moi juste. Suis-moi bien jusqu'au fait que. Parlez juste du côté humain, là. Du côté, elle est veuve, elle n'a pas de mari. OK? Elle est veuve, son mari est mort. Donc, la première chose qu'il dit, les enfants. Les petits-enfants, occupez-vous de vos mères ou de vos sœurs qui sont veuves. Ou... Occupez-vous des sœurs qui sont là. Mais il parle aux veuves qui ont des enfants puis des petits-enfants. Comme il pourrait avoir des veuves qui n'ont pas d'enfants. Non. Il va, plus bas, il va dire C'est un fidèle. Là, il va élargir ça. Okay. Donc, c'est pas juste... Là, si vous avez une veuve dans l'Église qui a pas d'enfants, petits-enfants, ben, vous êtes obligé de vous en occuper, là. C'est pas vrai non plus. OK? C'est pas vrai non plus. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une question spirituelle là-dedans. Là. Okay? Il n'y a pas juste une question civile ou monétaire. Ça sert juste ça, ça sert bien plus facile à gérer. Donc, vous allez, ben, une veuve, un veuf, il n'a pas d'enfants, il n'a pas de petits-enfants, l'Église la prend en charge. Ça sera facile, ça sera clair, il n'y a pas grand-chose là. Mais il y a plus que ça. Il y a une question d'inscrire certaines veuves sur le rôle. Puis là, on se demande, c'est quoi ce rôle-là? Là? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? C'est-tu juste une liste de noms ou c'est plus que ça? Puis pourquoi honorer plus les veuves que d'autres femmes ou d'autres hommes? Pourquoi honorer ces veuves-là? Faut que tu trouves la raison pourquoi ils demandent d'honorer ces veuves-là. Et tu leur donnes une place d'honneur. Comme le diacre va avoir une place d'honneur, comme l'ancien va avoir une place d'honneur. Donc, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Super patience, Simon, on va y arriver. Je vais essayer de te l'expliquer. Parce que là, je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose de nouveau un petit peu, donc on va falloir qu'on s'arrête. Mais remarquez bien ce qu'il dit. Que l'enfant ou le petit enfant, qui est rendu assez vieux, c'est vrai, c'est 3 ans, il ne s'occupe pas de sa veuve, là, tu sais, ça, bien sûr. C'est des petits enfants qui sont rendus assez vieux. Puis, souvenons-nous, en général, les familles vivent en clan à cette époque-là. Ils vivent en grande famille. Ils vivent pas juste. Ils n'ont pas tous chacun leur petite maison avec 2 personnes dedans, comme on est nous autres aujourd'hui. C'est que souvent, c'est des grandes familles. Mais ils doivent s'en occuper de cette veuve-là. Les enfants. Ils doivent rendre à leurs parents ce que leurs parents leur ont donné. Puis comme je vous dis tout à l'heure, c'est pas seulement s'occuper physiquement, mais aussi spirituellement de cette veuve-là. Puis vous devriez comprendre, lorsqu'on est rendu dans notre épître, pourquoi que c'est comme ça. Pourquoi que la veuve devrait avoir de ses enfants qui vont s'occuper d'elle. Parce que si on prend seulement le côté civil et monétaire, la société peut s'en occuper. Mais spirituellement, pas. La société ne pourra pas s'en occuper d'eux autres spirituellement. Mais le gouvernement peut le faire. Monétairement, je parle. Puis il le fait, présentement au Québec, il le fait. Là. Pas nous autres. Là. Dans d'autres pays, ils le font pas, là, mais il le fait. Si ça sert juste monétaire... Comment le fait? J'ai déjà vu te voir des chrétiens, moi, pour aider des gens. Comment le fait? On n'a pas besoin de s'en occuper. Comment le fait? C'est vrai qu'il fait, mais il ne fait pas tout. Spirituellement, le gouvernement ne peut rien faire pour cette personne-là. Donc, c'est l'Église, elle, peut faire de quoi? Donc, c'est différent un petit peu. Donc, mais remarquez bien le verset 5 maintenant. Là, on arrive dans le véritablement veuve. Celle qui est véritablement veuve, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle est demeurée toute seule. Mais de vous seule, elle est veuve! Mais elle est demeurée seule. Elle, ce qu'elle fait, elle met son espérance en Dieu. Elle persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Donc, elle prend, cette femme-là, cette veuve-là, prend une décision personnelle de rester veuve. OK? Tu vois-tu la différence? Elle dit, c'est pas la famille qui va s'occuper de moi. Je vais prendre un autre chemin. Je vais prendre une autre direction. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Parce que c'est elle qui prend cette décision-là. Là. Parce que ce qu'il dit, celle qui est véritablement veuve, elle a pris une autre décision que je vais aller voir mes enfants, puis ben, les enfants vont me l'offrir, on va prendre soin de toi, maman, papa est parti, on va prendre soin de toi. Elle a décidé de demeurer dans l'isolement. Dans l'isolement ou seul. Et pas juste isolé dans le sens physique, mais pour une raison spéciale. Elle a décidé de rester seule parce qu'elle veut mettre son espérance en Dieu, elle veut passer du temps dans la prière. Là, on ne va pas la mettre super spirituelle, OK? On veut juste, elle prend la décision qu'elle veut aller plus dans le côté spirituel que juste le côté physique ou monétaire. Et là, ça, là, mettez-vous ça, là, ça commence à intéresser l'Église, là. Ils disent, oups, oups, on devrait peut-être s'occuper de celle-là. Pas juste monétairement, là. Parce que monétairement, elle pourrait se faire occuper par ses enfants, mais elle prend la décision de ne pas aller dans cette direction-là. Je dirais, moi, qu'elle veut se consacrer à quelque chose d'autre. Elle veut prendre du temps à quelque chose d'autre. Moi, au début, les premières fois que j'ai lu ça, c'est que, ah, c'est une sainte, ça, mon gars, c'est une bonne femme. Elle va décider, elle, de prier, puis prier jusqu'à temps que Dieu lui donne à manger. Tu sais, qu'elle va pourvoir ses besoins. Elle prend comme moyen, c'est pas mon gars qui va me faire vivre, je vais prier, puis Dieu va pourvoir mes besoins. Ça a l'air un peu ridicule, ça. Hein? Je dirais, moi, en tant que, dans une église, en tant qu'ancien, je dirais, hey, t'es un peu, mon gars, je vais avoir tes enfants, ils ont de la, les frigidaires sont pleins. Ils vont, puis ils veulent t'en donner en plus. Puis toi, tu dis, non, non, non, je vais juste prier, moi. Ben non, c'est quoi ta maladie? C'est quoi ton problème, là? Mais elle veut aller dans une autre direction. OK, elle veut aller dans une autre direction. On va comprendre pourquoi. Marquez bien, elle demeure, là, c'est une décision personnelle. Elle décide de rester seule, de prendre une autre direction. Mais celle-là, il la compare avec un autre qui est aussi veuve, mais qui part dans une autre direction. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. On sait bien qu'on ne parle pas de physique, là, hein, parce qu'elle sera morte. Elle n'est plus veuve, elle est juste morte. Mais elle décide, elle, au lieu de se consacrer à Dieu et de vivre pour Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide plutôt, enfin, il est parti, l'écureuil. Enfin, je vais pouvoir me payer du bon temps. Enfin, je vais pouvoir jouir de la vie. Il fait longtemps qu'il me gardait esclave, je ne sais pas quoi. Et elle se lance dans les plaisirs. N'as-tu qu'un autre mot que le mot plaisir dans les plaisirs? Verset 6. C'est le mot plaisir, vous avez tous? OK. Donc, il dit, il y a des veuves qui ont des enfants, qui ont peut-être des petits-enfants, et il y en a une qui décide de vivre seule et de se consacrer aux choses de Dieu, et l'autre décide de jouir la vie. Mais quand tu dis, Paul dit, elle a l'air vivante, mais moi je vous dis qu'elle est morte. Là, ça donne une autre connotation. Morte comment? Moralement? Spirituellement? Est morte. Donc là, il est en train de parler du côté spirituel. Hein? L'autre est vivante spirituellement, mais celle-là, elle est morte spirituellement. C'est pas son statut de veuve qui fait ça. C'est une décision de cœur. Une décide qu'elle va. Elle a maintenant plus de temps. Elle est veuve. Elle a maintenant plus de temps. Puis elle veut faire de quoi de spécial. Et l'autre, elle est aussi veuve. Et là, plutôt de dire, je vais faire des choses pour Dieu, elle décide qu'elle veut profiter de la vie ou du plaisir. Tout à l'heure, on va voir qu'elle va parler de volupté aussi. Donc, elle a des plaisirs, c'est des plaisirs qui vont du côté sexuel aussi. Donc, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Et là, Paul dit à Timothée au verset 7, « Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. » Déclare-leur ces choses. Pour qu'ils comprennent. Quand il dit « déclare-leur ces choses », le « leur », c'est-tu les veuves ou c'est les gens dans l'Église? Je pense que c'est les veuves. Moi, je dirais que c'est les gens dans l'Église. Afin que les femmes veuves soient irréprochables. Okay. Souvenez-vous, le veuve devait être irréprochable. Le diacre devait être irréprochable. La véritablement veuve que tu vas mettre sur le rôle doit être irréprochable aussi. Donc, il dit, dis-le aux enfants, aux petits-enfants, dis-le à l'Église, pour que ces veuves-là soient irréprochables. Déclare ces choses-là. Dis-leur ces choses-là. Parce qu'on veut des veuves irréprochables. Donc, si tu, la veuve prend la décision, elle est devenue veuve, sa famille prend soin d'elle, puis elle vit avec eux autres, puis elle décide de jouer son rôle de grand-maman, puis de faire ses affaires, de continuer à faire ça. Parfait, c'est bien correct. Mais il y en a d'autres qui prennent une autre décision dans cette situation-là. Moi, j'avais quasiment envie de dire, de marquer dans la marge de ma Bible, il rentre au couvent. C'est un peu comme ça. Oui. Ils décident de se consacrer à autre chose, parce que là, ils ont du temps. Ils décident de se consacrer à autre chose parce qu'ils ont du temps tout d'un coup sec. Hein. Qu'ils n'avaient pas avant, quand ils étaient mère de famille avec 4-5 enfants, puis qu'ils avaient du temps, puis une maison à s'occuper, tout ça, un mari à s'occuper. Vous savez, quand Paul va dire dans 1 Corinthiens 7, hein, il dit, les veuves, je vous encourage à rester seules. Parce que vous allez pouvoir vous consacrer à Dieu. C'est la même vérité ici. Et ce n'est pas Paul qui encourage les veuves, c'est des veuves qui prennent leur propre décision de faire ça. Puis il n'y a pas de mal à se marier. Paul va le dire, il n'y a pas de mal à se marier. Là. Si vous voulez vous marier, mariez-vous. Là. Mais il dit, je vous encourage. Ceux d'entre vous, qui, de vous, les veuves, si vous décidez de rester seules, c'est bien correct aussi, là. Même il dit quoi dans le Corinthiens? C'est mieux, même. C'est meilleur, même. Donc, il n'est pas en train de dire là, que tous ceux qui décident de rester seuls sont plus sains que les autres. Mais c'est dans le contexte de servir Dieu. Vous savez, comme moi, hein, quand tu as 30 ans, tu as 35 ans, je le sais, on est passé par là, moi et Denis, on avait 35 ans, on avait 6 enfants, on avait une maison, on avait des dettes, on avait des hypothèques à payer, on était préoccupé par un paquet d'affaires. Quand nos enfants ont tous été partis de la maison, tout d'un coup, on avait plus de temps. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ce temps-là? C'est ça que ça voulait dire. C'était une façon de voir. Donc, là, il dit, « Déclare ces choses afin qu'elles soient irréprochables. » Là, il va dire quelque chose de pesant, je trouve. « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. » Il est pire qu'un infidèle. Fort, ça. Il n'est pas juste pas un croyant, il est pire qu'un incroyant. Ça veut dire quoi, ça, être pire? Qu'est-ce que tu peux être pire qu'un incroyant? T'es un incroyant, tu t'en vas sur le diable, là. Il est pire qu'un infidèle. Ça, ben, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, si quelqu'un, mais ça, large, si quelqu'un a... Si quelqu'un n'a pas soin des siens, il est principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. C'est fort, là. Paul n'est pas en train de dire il a renié que Jésus-Christ était Dieu. Non, il a renié la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut relier ça à notre 1 Timothée? Oui, ça va avec une foi sincère. Ça va avec une conscience pure. Tu dis que tu aimes les enfants de Dieu. Tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu aimes les enfants de Dieu. Tu n'aimes même pas ta mère, qui est aussi un enfant de Dieu. Il y a quelque chose qui ne marche pas, mon petit gars, là. Quelque chose qui ne marche pas dans ça, là. Tu devrais être sincère. Si tu dis que tu aimes les enfants de Dieu, puis ta mère est un enfant de Dieu, puis tu n'en prends même pas soin, bien, il y a un problème à quelque part. Il y a un problème à quelque part. C'est ça qu'il dit. Dans 1 Timothée, l'exercice de la foi, ou la conscience pure qu'on a appelée, te condamne autant que renier la foi de façon théologique. Si tu refuses de mettre en pratique la foi que tu proclames, tu renies la foi. Ben, la foi n'existe pas en dehors de la mise en pratique de la foi. Don Carson écrivait ça, ça ne fait pas longtemps. Il dit, la foi qui ne s'exprime pas n'est pas une foi véritable. C'est la même chose que Jacques a dit dans son épître. Celui qui a la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est la même chose. La foi qui ne s'exprime pas en œuvre est morte. C'est la même vérité. Celui qui dit qu'il est un enfant de Dieu et qu'il veut plaire à Dieu et qu'il devrait aimer les enfants de Dieu, là, c'est sa mère en plus, puis qu'il ne veut pas s'en occuper. Il dit, mais tu as renié la foi. Puis renier la foi, c'est parce que c'est ça que Dieu veut. On a vu tout à l'heure, c'est agréable à Dieu. Puis toi, tu dis, tu m'en fous que ce soit agréable à Dieu. Je ne veux pas le faire, moi. Je ne veux pas m'en occuper pour X raisons. Je ne veux pas m'en occuper. Donc, ça devient... Puis là, je suis en train de vous dire, c'est pas seulement physique. C'est aussi spirituel. Il y a un besoin spirituel, là, mais on veut... C'est pas juste que tu ne veux pas t'occuper d'elle physiquement. Tu ne veux pas t'occuper d'elle spirituellement. Là, c'est encore plus un acte de renier la foi. Parce que tu ne veux même pas t'occuper spirituellement de ta mère ou de ta sœur qui serait veuve ou peu importe. Donc, c'est pour ça qu'il a dit tout à l'heure, quand il a parlé, que celui qu'une veuve, que ce soit enfant ou petits-enfants, qu'il exerce la piété. Celui qui n'exerce pas la piété, celui qui ne fait pas des œuvres qui manifestent sa foi, bien lui, il a renié la foi. Donc, on a toujours pris des exemples un peu farfelus. Si je vous dis que je crois qu'il y a une bombe dans la bâtisse, puis que je reste assis là, ça veut dire quelque chose qui ne marche pas dans ta petite tête. Ça. Tu vas dire, ben, je dis oui, merci de me l'avoir dit, mais tu ne le crois pas vraiment que tu restes assis là. Ou ben non, tu veux te suicider, un des deux, là. Parce que si tu me crois vraiment, tu vas me voir, moi, partir, parce que moi, je te l'ai dit, que je sais que c'est vrai, puis je pars, tu vas me suivre, là. Donc, la foi s'exprime. Donc, tu veux, c'est pas que la Jacques va dire, essaye donc de montrer ta foi sans les œuvres, hein. Essaye-toi. Tu peux me dire un paquet d'affaires, mais montre-moi-le. Essaye de me montrer que tu as la foi. Tu n'y arriveras pas, là. Si tu ne fais pas d'œuvre, si tu ne fais pas d'exercice, tu ne pourras pas me montrer que tu as la foi. C'est comme ça qu'il est en train de... C'est la même vérité ici qui sort. Mais il prend les veuves comme leçon, comme principe de base. Verset 9. Qu'une veuve pourra être inscrite sur le rôle. Ça vient nous aider un petit peu. C'est quoi ce rôle-là? Y a-t-il qui ont d'autres expressions? Sur la liste. Sur la liste, sur le rôle. Au groupe. Ah oui? Pour être inscrit au groupe? Une femme ne sera inscrite au groupe des veuves. Ah, au groupe des veuves, ok, je voulais savoir. Okay, okay. Groupe des veuves. Groupe, toi, c'est le rôle, c'est le groupe des veuves. Donc, mais là, c'est-tu toutes les veuves? Non, c'est seulement... Il donne une condition, là. C'est pas toutes les veuves. C'est les véritablement veuves. Parce qu'il dit qu'une veuve pourrait être inscrite sur le rôle. Ça, c'est quelque chose dans l'Église, là. OK? Qu'est-ce qu'elle doit avoir pour être inscrite sur le rôle? Elle ne doit pas avoir moins 60 ans. Donc, s'il y a des veuves qui ont moins 60 ans, sont veuves. Mais tu n'aimais pas sur le rôle. Fait que ce n'est pas juste une liste de tous les veuves que dans l'Église. C'est une liste seulement de certaines veuves. Il faut bien comprendre ça, là. N'est pas moins de 60 ans. Donc, ça veut dire que tous ceux en bas de 60 ans, on ne les met pas sur le rôle. Ça veut 50 ans, puis comme toute correcte, mais qu'elle n'a pas 60, ça ne fait pas. Ça ne fait pas. Il va lui dire tout à l'heure, marie-toi. Ouais, oui. Mais c'est parce qu'une jeune va se remarier, elle risque d'avoir des enfants, mais à 50 ans, tu ne t'en maries plus pour faire... Voilà, on parle comme nous aujourd'hui, là. On ne parle pas, peut-être pas à l'époque, ça voulait dire quoi pour eux autres, être jeune puis avoir 60 ans. Est-ce que Paul est en train de dire, ben, si tu à 40 ans, tu ne serais plus capable d'avoir là, des enfants. Nous, on pense comme ça dans notre société aujourd'hui, mais c'était-tu comme ça à cette époque-là? Je ne suis pas sûr que c'était comme ça à cette époque-là. Donc, on n'essaie pas de découvrir les... Comment je dirais ça? Les codes d'exception ou les règles. J'ai été lire, puis il n'y a personne qui est vraiment capable de me dire pourquoi, puis c'était quoi les femmes à cet âge-là, à 49 ans ou à 50 ans, qui arrêtaient... Il n'y a rien, il n'y a personne qui me le dit dans l'histoire ou dans ce que je peux lire. Mais pour d'après, il met un âge. C'est-tu un âge arbitraire? Il a dit ça un âge de même, puis ça fait partie de là en montant, puis les autres, c'est des jeunes. Bon, ça. Parce que nous autres, quand on parle des jeunes, habituellement, on ne parle pas de quelqu'un de 35-40 ans. Mais les autres, ils parlent, les jeunes, ils peuvent avoir 30 ans, 40 ans. Donc, c'est pour ça que il y a une façon de parler qui est un petit peu différente de nous autres. Mais le principe. Si ça a juste 60 ans, puis si ça a juste ça la condition, on dirait, ben là, c'est 60 ans, puis c'est 60 ans. Il fallait qu'il mette une limite à quelque part, puis il l'a mis là. Mais ça va plus loin que ça. Fait que les autres critères vont nous aider à faire le tri, OK, là-dedans. Qu'est-ce qu'il dit? Pour inscrire, donc c'est pas elle qui s'inscrit au rôle, c'est que l'Église va l'inscrire sur le rôle. Donc, toi, elle dit, en tant qu'Église, en tant que toi, Timothée, puis l'Église, avant de mettre une femme sur le rôle ou l'inscrire dans le groupe des veuves, elle doit avoir moins que 60 ans. Elle était femme d'un seul mari. Ça vous dit quelque chose? Diacre, femme d'une seule femme, évêque, mari d'une seule femme. Pour mettre une femme sur le rôle, mari d'un seul homme. Ça ressemble pas mal, hein? Ça ressemble pas mal. Parce que tu dis, voyons, il y a les mêmes critères que les évêques, quoi? Pour mettre une femme sur le rôle, c'est quoi cette histoire-là? Parce que, pourquoi dire une affaire de même? Si tu comprends pas un peu plus loin, ça fait, si c'est juste des veuves, puis que tu veux leur aider financièrement, c'est facile. Donc, ça veut dire qu'il y a des femmes veuves qu'on leur donnait un statut spécial dans l'Église. Que des femmes veuves. Puis qui ont moins de 60 ans, et c'est des femmes qui ont décidé de rester seules. C'est décidé qu'ils vont rester seules, puis qu'ils vont se consacrer aux choses de Dieu, ou aux choses de la prière, ou, qu'on a vu tout à l'heure. Marquez bien maintenant, les critères qui venaient, vous allez voir, c'est quasiment la liste pour les anciens et les diacres. OK? Elle doit être femme d'un seul mari, qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre. Elle doit avoir élevé des enfants, exercé l'hospitalité. Elle a des enfants, elle a élevé des enfants. On ne peut pas penser, là, ils sont tous morts avant elle. Ça ne peut pas, on est obligé d'extrapoler. Là. Elle a eu des enfants, donc c'est une femme normale qui était mariée, qui a eu des enfants. C'est une femme correcte du point de vue de la société. Mais elle a exercé l'hospitalité. Vous souvenez-vous? Les anciens doivent être capables d'exercer l'hospitalité. C'est la même chose qui revient, là. Elle a lavé les pieds des saints. Oh, ça, c'est une vraie bonne femme. Vraiment humble. Mais laver les pieds des saints, pour moi, c'est pas prendre trop littéral. C'est plutôt une expression qu'elle s'est occupée des saints. OK, elle a pris soin des saints. Donc, quand il y avait des saints qui avaient des besoins, elle les recevait chez eux, elle perçait l'hospitalité, elle leur lavait les pieds s'ils avaient besoin, elle s'occupait des saints. Elle a secouru les malheureux. Pour pécher de prendre littéral. Ça ne serait pas un péché non plus. Jésus l'a fait aussi, donc ce n'était pas péché, c'est sûr. Mais elle secourt les... Voyez-vous ce qu'on décrit cette femme-là? Elle a démontré dans sa vie qu'elle exerçait la piété. Avant de devenir veuve, elle faisait des choses. C'est pas le fait qu'elle devient veuve qui la rend capable d'être sur le rôle. C'est quelle sorte de vie qu'elle a faite avant de devenir veuve qui va être capable de s'inscrire sur le rôle. Parce que si elle est veuve, qu'elle n'a pas fait ça, tu ne la mets pas sur le rôle. Parce que ça, c'est une exigence, là. Elle doit avoir plus que 60 ans, elle doit avoir fait ce qu'on a vu là. Un seul mari, exercé, a eu des enfants, elle a bien pris soin de sa maison. Elle, l'ancien, devait quoi? Bien diriger sa maison. Le serviteur, le diacre, il devait faire quoi? Bien diriger sa maison. La veuve qui va être sur le rôle, elle doit bien diriger sa maison, elle doit bien prendre soin de sa maison. C'est les mêmes vérités que cela. Ça a changé ma façon de comprendre les textes. Je dis, mais mon ami, on doit quasiment la mettre évêque. tu dis, on doit quasiment la mettre évêque. Hein, ça continue, cette affaire-là. Mais je n'y ai pas été jusqu'au bout, là. Je n'irai pas jusqu'à là. Elle a pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Ça, c'est la femme avant qu'elle soit veuve. Elle est devenue veuve maintenant, elle voudrait continuer, elle, à faire des choses. qu'elle pratiquait déjà avant d'être veuve. Ça, c'est, ça nous donne une idée là, de ce que Paul veut parler à Timothée. Pratiquer, c'est pas passé. Qu'est-ce qu'il avait dit? Ça ne doit pas être un jeune pour être un évêque, parce qu'il faut qu'on ait vu avant. Le diacre, éprouvez-le avant. Hein? Éprouvez-le, le diacre, là, et ensuite vous le mettrez à l'œuvre. Il dit la veuve aussi, là, la veuve qui va être véritablement veuve, bien, gardez sa vie en arrière, qu'est-ce qu'elle a fait, là? C'est pas que le lendemain que son mari est mort, mets-la sur la liste. C'est pas ça dont on parle ici, là. OK? Prends le temps de regarder quelle sorte de vie elle a faite, cette femme-là, avant de la mettre sur la liste. Et là, ça commence à nous diriger dans une direction un peu différente, que c'est juste qu'elle est veuve et qu'on doit lui donner un panier de Noël. C'est beaucoup plus que ça, là. Parce que tu n'auras pas besoin de donner tous ces critères-là pour ça. Mais regardez, mais refuse les jeunes veuves. Donc, si on prend la question, ils ont moins que 60 ans. OK? Car pourquoi est-ce que je dois refuser les jeunes veuves? C'est-tu juste parce qu'ils sont jeunes? Non, car la volupté les détache de Christ. Elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leurs premiers engagements. Qu'est-ce que c'est ça? C'est-tu l'âge? On est content d'être vieux, là, ça ne nous arrivera pas, tu sais. Les jeunes, la jeune veuve, il dit, mais elle n'est pas, parce qu'il y a quelque chose qui l'a décrit, cette jeune veuve-là. Il dit, la volupté, n'as-tu que d'autres choses que le mot volupté, là? Désir. Désir. Ça? Le mot, il a une connotation sexuelle, ici, dans le grec. Et qu'est-ce que ça fait? D'avoir des désirs sexuels, c'est pas inhumain, là. N'est-ce pas? C'est pas inhumain. Pourquoi ça la disqualifierait? Et elle veut se marier. Ben, il n'y a rien de mal à se marier. Hein? Si elle veut se marier, laisse-la tranquille. Mais Paul dit, si elle veut se marier, ne la mets pas sur la liste des veuves. C'est ce qu'il est en train de dire, là. Pourquoi c'est que Paul le fait? Elle se rend coupable. Là, la volupté les détache de Christ. N'as-tu d'autre mot que le mot détaché? Dresse. Quoi? Excuse? Dresse. Dresse contre Christ? Ouais. Ah, tu vois-tu, ça va plus loin, là. C'est pas juste un désir sexuel. C'est pas juste le fait qu'ils veulent se marier. Mais en faisant ça, ils se détachent ou se dressent contre le Christ. Et elle veut se marier. Donc, l'action qu'elle fait, cette jeune veuve-là, hein, elle va faire quoi si tu la prends sur le rôle? Elle va pousser l'Église à se détourner du Christ. Si elle-même se détache du Christ, elle va entraîner l'Église à se détacher du Christ. Elle ne va pas aider l'Église à rester attachée au Christ. Là, il continue en disant, elle se rend coupable, en ce qu'elles violent leur premier engagement. C'est quoi le premier engagement? De quoi est-ce qu'ils parlent? N'as-tu qu'ils ont d'autres mots? Je sais qu'il y a d'autres bibles, d'autres traductions. À la fin du verset 12. C'est-tu leur premier mariage, je veux dire? Ben là, elle est veuve. Puis Paul dit que les veuves devraient se remarier, s'ils veulent se marier, ils ne violent pas leur premier engagement. Ils sont pas fidèles. Ils sont vers Dieu. Hop, Céline! Parce qu'elles ne sont pas fidèles à la promesse qu'elles ont faite au Christ. Ah! Ça concerne le Christ, à quelque part. Ça ne concerne pas leur mari, là. Et puis le mot dans l'original, là, c'est le mot « elles violent leur profession de foi ». C'est l'engagement qu'ils ont pris envers le Christ. Elle s'est détachée de Christ, donc elle viole l'engagement qu'elle avait pris avec le Christ de servir le Seigneur, de vivre le Seigneur, d'être une servante du Seigneur. Elle se détache de cela, puis elle se détourne du Christ, puis elle renie la foi, puis elle part dans une autre direction. Donc elle dit, si, prends pas pour acquis qu'elle est veuve, tu devrais la mettre sur le rôle. Non. Cette femme-là, elle va devenir plutôt un obstacle dans l'Église, elle va entraîner l'Église loin, elle va nuire l'Église plutôt que d'aider l'Église. Mais comment vous pouvez comprendre pourquoi est-ce que cette femme-là, qui lui appelle vivre dans la volupté et qu'elle veut se marier, pourquoi qu'on dirait que ça la détache du Christ? On dirait quasiment c'est un peu sévère. Hein? Mais c'est un peu comme tout à l'heure, ceux qui ont une veuve qui n'en prend pas soin ont renié la foi. C'est sévère aussi, là. C'est vraiment... Ouais, OK, je t'ose aussi bien de m'occuper de ma mère, là, tu sais, là, parce que c'est, si je le fais pas, c'est comme renier la foi. Oh, c'est un péché, c'est pas le péché impardonnable, mais c'est fort comme conséquence. Qu'est-ce qu'il veut dire, Paul? C'est parce qu'il y a comme des critères à respecter pour honorer Dieu dans notre conduite. Ben oui, c'est ça. Donc son comportement ne va pas de pair avec la foi qu'elle proclame. Une des façons, je ne dis pas que c'est la façon ou la seule façon, si la volupté et le fait de se marier la détourne du Christ, ou exprime son rejet du Christ, son détachement du Christ, probablement qu'elle veut se marier en dehors de l'Église, en dehors de la foi. OK? C'est comme l'apôtre Paul, quand il parle dans Corinthiens 7, il dit, vous pouvez vous marier les veuves, mais dans le Seigneur seulement, avec un croyant. Si tes désirs te poussent à aller en dehors de l'Église et te marier avec un inconverti, mettons, là, tu renies la foi. Ça fera du sens si ce serait ça. OK? Mais même si ce n'est pas ça, il y a certainement quelque chose qui nous sait un peu, Paul ne nous dit pas, mais il dit, ce qu'il veut dire, lui, cette veuve-là ne la met pas sur le rôle. OK? Peu importe comment là, sa volupté s'exprime, mais il dit elle se détache en reniant la foi. Donc, d'une façon quelconque, ces désirs-là qu'elle a et ce mariage-là qu'elle veut faire, manifeste qu'elle a renié la foi, que Jésus-Christ. Donc, interprétez comme vous voulez. Mais le sens que ça me donne, à cause de ce que Paul a enseigné ailleurs, mais si je le prends juste dans le contexte, mais on va voir un peu plus loin. Le genre de vie que cette femme-là fait, cette veuve-là, on va continuer, on va y revenir. Avec cela, donc c'est pas juste qu'elle a des désirs, c'est pas juste qu'elle veut se marier. Regardez le genre de vie qu'elle fait. L'autre femme qui était avant, était la vraie veuve, là, c'était pas mal différent. Avec cela, ou en plus de cela, elle est oisive. Elle apprend à aller de maison en maison. Non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses, intrigantes. Ils disent des choses qu'elles ne devraient pas dire. Y a-t-il qu'on a d'autres traductions que ça? Donc, on appelle ça quoi? Là? Comment est-ce qu'on appelle ce genre de femme-là, donc? Une vraie mamie. Mais ça va plus loin que juste un peu de placoting. Elle dit des choses qu'elle ne devrait pas dire. Concernant Dieu. Et là, ça rejoindrait peut-être, Chantal, ce que tu as dit tout à l'heure, celle qui rapporte des contes, des fables, des généalogies, des discours vains, des discours profanes. Puis vous allez voir dans la deuxième épître, quand Paul va parler des faux docteurs qu'il y a à Éphèse, savez-vous qu'est-ce qu'ils font, les faux docteurs? Ils vont dans la maison des veuves. Ces veuves chargées de volupté et les entraînent loin de Dieu. C'est la même gang là, qui sont là. On voit le lien qui se passe. Il y a ces femmes-là, après être devenues veuves, expriment leur foi, expriment leur manque de foi ou leur foi qui n'est pas en ligne avec Dieu. En faisant une vie qui déshonore Dieu. Puis souvent, c'est elles que les faux docteurs vont cibler pour pouvoir les entraîner loin de la foi. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne les met pas sur la liste. Mais non, elle n'est pas. Parce que ça, l'Église va être portée à pas se dresser, à accrocher. Puis je crois personnellement que cette femme-là, là, cette veuve-là, là, commence pas ça le lendemain de son mari est mort. Mm-hmm. Elle vivait de même avant, probablement. Et l'Église ne l'avait pas redressée. Mm. Elle s'est éloignée. Il dit il dit que la femme là, qui était véritablement veuve est connue pour ses belles œuvres, l'autre, elle est désœuvrée. Oui, c'est ça. Donc, elle est, sa vie d'avant va prendre une mauvaise direction parce que probablement qu'avant, elle n'était pas tout à fait dans la bonne ligne. Mais je vais vous faire remarquer quelque chose, là, peut-être que vous ne voulez pas y voir, là, mais je vais vous le dire. Elle est sans mari. Et le directeur spirituel de la maison, c'est son mari. Et tout d'un coup, elle se retrouve sans mari. Et je vous l'ai déjà dit, plus vulnérable. C'est dur à rentrer dans notre tête en 2023. Dire ça là, dans un groupe de femmes non chrétiennes, vous êtes plus vulnérable, je me fais tuer avant de sortir de la salle. Hein? Mais c'est un. C'est, on avait vu au chapitre 1, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère et en restant fidèle. La femme a le besoin d'être sous la tutelle de son mari ou de sa famille. Si ses enfants vont prendre la relève, elle va être sous la direction de son mari. Mais si elle reste seule, elle va tomber sous la tutelle de l'Église. Quand elle va être sous le rôle. C'est l'Église qui va prendre en charge à ce moment-là. Alors, continuons. Au verset 15, « Car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. » Là, tu dis, wow. Tu sais, ils vont, c'est un peu sévère, mais s'ils suivent Satan, c'est pas trop sévère s'ils suivent déjà Satan. Donc, quelques-unes d'entre elles suivent Satan. Donc, ils se sont détournés complètement de la foi, se sont détournés de Jésus. Vous vous souvenez, alors, les semaines avant, on avait vu, il y avait des doctrines de démons. Donc, ils vont suivre les doctrines de démons. C'est ça que ça veut dire. Ils vont s'attacher à ces doctrines de démons-là. Ils suivent Satan. Ils vont contre le Christ. Donc, ce n'est pas juste une question que c'est une veuve. Il y a des veuves que leur famille les prend en charge, puis ils vont continuer leur vie à l'intérieur de la famille. Puis il y a d'autres veuves qui, eux autres, vont aller dans d'autres directions. Et Paul, lui, ce qu'il veut, il dit, « Fais bien attention. Quand tu vas mettre un diacre en place, il y a des critères. Quand tu veux mettre un évêque en place, il y a des critères. Quand tu veux mettre une femme, une veuve, au rôle dans l'Église, il y a aussi des critères à observer. Même affaire. Donc, une veuve, et là, ça sous-entend quoi? Si on la met sous le rôle, puis on a vu tout à l'heure, à la fin, on va le lire, si vous voulez bien, si quelqu'un, quelques fidèles, ça veut dire quoi, fidèles? Quelques croyants, hein? Si quelques croyants, homme ou femme, a des veuves, donc il y a des veuves qui connaissent, sont dans leur entourage, qu'ils les assistent, autant physiquement que spirituellement. Vous allez en prendre soin, vous allez les aider. Pour qu'elles restent irréprochables, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Afin qu'elles soient irréprochables, laissez-les pas tout seules. Aidez-les. Et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elles puissent assister celles qui sont véritablement veuves. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que l'Église va faire? Assister ces véritablement veuves-là? C'est-tu juste des veuves plus gentilles que les autres, plus saintes? Je vais vous suggérer ce que je pense. L'Église va prendre soin des veuves qui sont sur le rôle. Elle doit assister. Elle doit prendre soin. Elle doit veiller sur. Ces veuves-là? Ces veuves, pourquoi ceux-là? Puis pas les autres, leur famille s'en occupe. Pourquoi ceux-là? C'est là qu'il se joue la question du rôle. C'est quoi cette histoire-là? Moi, je crois que c'est des femmes qui sont veuves et qui vont se consacrer à l'œuvre du ministère à plein temps. C'est des veuves qui vont se consacrer à faire ce qu'ils faisaient avant, faire des œuvres, des bonnes œuvres, s'occuper des orphelins, s'occuper des malheureux, s'occuper des gens, s'occuper des saints qui viennent en ville, qui vont les recevoir, qui vont les prendre. Elle va s'occuper à l'œuvre du ministère en tant que veuve. Elle se consacre à ça, elle met de côté les autres choses qu'elle pouvait faire, puis elle va faire ça, elle. C'est ça qu'elle désire faire. Donc l'Église va l'assister. L'Église va l'en prendre charge. Elle va devenir une servante dans l'Église. Elle va devenir quelqu'un qui va œuvrer à l'intérieur de l'Église. Donc, ne la mets pas là si elle n'est pas une vie qui concorde avec la foi que nous proclamons. Mais si elle est veuve et qu'elle a une vie qui reflète la foi que l'Église proclame, prends-la sur la liste si c'est ça qu'elle veut faire et que l'Église va s'en occuper. Tu as pensé à Anne? Oui, oui, on pourrait dire, oui. Pour moi, c'est comme... Vous allez vous occuper de l'ancien, vous allez vous occuper des diacres, vous allez vous occuper de cette veuve-là aussi qui veut se consacrer à servir dans l'Église. Et là, pour moi, ça fait du sens avec l'ensemble de l'Épître à Timothée. Si tu as des veuves l'Église ne prend pas soin, que leur famille n'en prend pas soin, qui ne prend pas à cœur leur spiritualité et leurs besoins physiques, ça amène l'Église à s'éloigner. Parce qu'elle va commencer à suivre des fausses doctrines. Elle va se mettre à suivre Satan. Elle va se mettre à suivre des faux docteurs. Et ça l'éloigne l'Église de la vérité. Mais il dit, occupez-vous-en comme vous devez le faire. Et ça va ramener l'Église dans la voie et ça va maintenir l'Église dans la vérité. Parce que ces femmes-là vont être irréprochables. Donc, comme les pasteurs sont irréprochables, comme les diacres sont irréprochables, comme ces veuves-là sont irréprochables. Parce que si on voirait, c'est juste des veuves, là. Juste des veuves, puis on doit prendre seulement leurs besoins physiques à cœur. Moi, j'aimerais ça serait simple, simple, simple, simple. Simple, simple. Donc, on dit, OK, c'est une veuve, on va. Ensemble, on va s'occuper de la veuve. Puis. Dans les différentes cultures, dans beaucoup de cultures, dans beaucoup de pays aujourd'hui encore, les veuves sont prises en charge par l'Église parce que les gouvernements ne le font pas, dans plusieurs pays. Dans d'autres pays, oui. Dans d'autres pays, non. Donc, l'Église va s'occuper physiquement des veuves. Mais ce n'est pas de ça dont on parle ici. On parle de ceux qui sont véritablement veuves. Qui ont... Je comprends bien qu'ils sont braves, ceux-là. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. C'est pas toutes les femmes qui vont décider de faire ça. Puis c'est correct aussi, là. OK? Mais toi, Timothée, ou Église, prenez soin que si vous autres, vous voulez, si une femme veut se consacrer, puis c'est ça qu'elle veut faire, elle veut rester veuve, elle veut ça, mais prenez pas n'importe quelle, là. Pas à cause qu'ils viennent s'offrir que vous devriez les prendre. Pas à cause qu'elle aspire à ça que vous devez la prendre, là. Vérifiez sa vie antécédente avant. Regardez. Qu'est-ce qu'elle faisait avant? Regardez, avant d'être veuve, est-ce qu'elle s'occupait de sa maison? Elle dirigeait bien sa maison? C'est la femme, proverbe 31, mettons. Okay, la femme qui s'occupe de sa maison, ses enfants, son mari. Elle fait sa job. En plus de faire sa job, elle s'occupe des malheureux, elle s'occupe des saints, elle est hospitalière. Celle-là, si elle veut faire ça à plein temps maintenant, si elle veut, puis on va voir dans le deuxième... Elle va s'occuper des jeunes femmes, elle va s'occuper des jeunes veuves, elle va aider ces gens-là. Bien, il dit, si elle veut faire ça, puis qu'elle a les critères spirituels. Là, petite question de même, François. Admettons qu'elle a tout ça, mais qu'elle a eu un deuxième mari, parce qu'un est mort à la guerre, puis l'autre est mort d'un cancer, elle est exclue parce qu'elle a eu plus qu'un mari. Là, c'est le troisième, elle est rendue au troisième. Ouais, elle en aurait eu deux au lieu d'un. Là, elle n'en veut pas après, là, de l'essai. Là, tu poses la même question. C'est bête, là, mais tu sais, parce que le fait que c'est écrit noir sur blanc, 60 ans, un seul mari, mais vu qu'il n'y en a pas beaucoup d'avance, c'est pas si pire, là, mais... Mais ça revient à la même question, que tu vas répondre la même... on devrait répondre de la même façon que l'ancien devait avoir été mari d'une seule femme. Là, si un ancien a déjà été veuf, est-ce qu'on le met comme un ancien qui s'est remarié? Ma femme, ma mère, j'ai 35 ans, je suis un pasteur, je me remarie, je peux-tu? Oui, en parlant de ça, justement, ça, mettons, il devient un ancien quand il y avait eu juste une femme, puis là, mère, il peut-tu en avoir une deuxième? Mais c'est la même question, je te dis tout, c'est la même question. Puis le diacre, c'est la même chose. Le diacre doit être mari d'une seule femme. Ça a permis. À l'église de Val-d'Or, Patrick, il s'est marié, et sa femme se sont convertis, il était marié, sa femme est décédée. 5-6 ans plus tard, je dirais à peu près, 5-6 ans plus tard, il rencontre une femme qui est chrétienne, et il s'est remarié. Et l'Église ne l'a pas mis dehors. Puis le bon sens, c'est ça. C'est bon. Je crois que le bon sens, c'est marier d'une seule femme, ça veut dire qu'elle a une vie normale, une vie correcte. Donc, si son mari est mort à 40 ans, elle s'est remariée, puis elle a eu d'autres enfants, elle est la femme d'un seul mari, à la fois, on pourrait dire. On a qui rajoute ça à la bout, à la fois. Moi, je me rappelle plus ça, que tu es divorcé, tu t'en remaries. Là, c'est une autre affaire. Là, c'est pas pareil. Là, on ne parle pas de ça. Sauf que ici, là, c'est veuve. Okay? Et je crois que là, la question devient plus complexe. Un pasteur qui se divorce et qui se remarie, on doit-tu le garder comme pasteur? Là, c'est une autre histoire. Okay? Là, on part dans une autre direction. Et là, la discussion va être un peu plus longue. Okay? Oui, un peu plus complexe. Mais ici, c'est plus simple le fait que son mari est mort. Bien, ça serait moins simple si elle l'a fait mourir, là. Mais s'il est mort de belle mort, ça serait une autre histoire. Mais ici, je crois que si je le regarde dans le contexte, je comprends que Paul en parle. S'il y a des femmes dans l'Église qui sont veuves et que la volupté les a détachées du Seigneur et qui vont de maison en maison pour dire toutes sortes de choses pas correctes, l'Église ne devrait pas laisser faire ça. Elle devrait avoir repris ça. Ils ne l'ont pas fait. Fait qu'il dit, n'inscris pas. Puis il va le dire un peu plus loin, comme principe de base à Timothée. Ne t'engage pas trop vite dans ces affaires-là. N'impose pas les mains trop vite aux évêques, aux diacres, aux veuves. N'impose pas. Prends ton temps, mon Timothée. Et le Seigneur ne revient pas demain matin. Prends ton temps. Examine, regarde, sois sage. Demande conseil à d'autres s'il le faut. Prends ton temps. N'embarque pas dans leur péché, là, dans leur façon de vivre, parce que tu as peur de ce qu'ils vont dire ou tu as peur d'être rejeté. Non, non, prends ton temps. Puis, comment est-ce qu'il dit ça? Il dit ne deviens pas complice de leur péché. Je le dis en québécois, là. Ne deviens pas complice de leur péché. Et ça, je comprends. Dans ma tête, ça fait du sens en tant qu'Église. Mais en faisant ça, les femmes qui sont des véritables veuves, dans le sens qu'ils veulent rester veuves, ils veulent tout se consacrer, et leur vie démontre c'est ça qu'ils veulent faire, ça va devenir un plus pour l'Église. Ça va aider l'Église à garder la bonne direction. Parce que si tu as 60 ans, là, 62, 59, ça ne change rien. Si tu as 60 ans et que tu es une femme exemplaire, si on peut dire, tu vas aider l'Église. Que ce soit une femme ou un diacre, une femme diacre, un évêque. Là, je ne m'appelle pas femme-évêque parce qu'on comprend le pourquoi. Tout ça aide l'Église à rester dans le bon chemin. Tout le temps. Je vous l'ai dit, c'est pas le pasteur tout seul qui garde l'Église dans le bon chemin, je vous garantis. C'est pas ça. C'est toute l'Église qui est impliquée à garder l'Église dans le bon chemin. Si ta vie est en ordre et elle reflète où tu exerces la foi, où tu as une bonne conscience, tu aides l'Église à rester attachée à la vérité. C'est automatique. Parce qu'il y a des gens qui te regardent, il y a des gens qui t'écoutent, il y a des gens qui te voient. Tu vas devenir une espèce de modèle. Plus tu vas avancer dans la foi, plus tu vas devenir un modèle pour les gens en général. Et ça fait partie de garder la foi. Ça fait partie de... Hein, je l'ai dit l'autre fois un peu en rien, mais le père qui dit « Tu fumes pas, mon petit gars, c'est pas bon. Fume pas, c'est pas bon. » ça va être croche un petit peu l'affaire. Ça ne va pas rentrer bien ben loin dans la cervelle du jeune. Là. Mais si le père dit c'est pas bon, puis je vais te le montrer que c'est pas bon, j'ai compris que c'était pas bon, il éteint sa cigarette, jette un paquet à la poubelle, puis je ne fumerai plus, c'est pas bon fumer. Oups, là tu découles, ça a une autre connotation, tout d'un coup. Ça a un autre impact sur la vie du jeune. Okay? Donc, c'est ça qu'on parle quand on parle de l'exercice de la foi. Ça a un impact beaucoup plus fort. Que juste déclarer des choses ou dire des choses. OK? François, j'irais juste le verset 18. Oui. Si quelqu'un fidèle, homme ou femme, a des veuves. Là, tu es au verset 16, hein? Ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mes lunettes sont. Si quelqu'un fidèle, homme ou femme, a des veuves, qu'il les assiste. Et que l'Église n'en soit point chargée. Avec qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Ici, quand il parle, là, homme ou femme, a des veuves qui les assistent. Ça n'a pas rapport avec les veuves qui sont sur la liste. Là. Non, mais non, parce que les autres, c'est les membres de la famille, c'est les frères et sœurs qui s'en occupent. Donc, une femme qui ne veut pas se consacrer, une veuve qui ne veut pas se consacrer à faire l'œuvre du ministère, ben, elle ne devrait pas être à la charge de l'Église, automatiquement. elle devrait être à la charge de, des croyants, des frères et sœurs, des mononcles, des matantes, des enfants, des petits-enfants, devraient s'occuper de ces femmes-là. Sont peut-être aussi modèles que la femme qui va être engagée, mais elle n'aspire pas à ça. Elle aime mieux rester à la maison, faire ce qu'elle a à faire, s'occuper des petits-enfants, dégager, prendre des responsabilités dans sa maison avec les enfants. C'est très bien aussi, là. Paul ne dit pas que c'est moins spirituel. Mais l'Église ne devrait pas en avoir la responsabilité ou l'assister. Autrement dit, être sur le rôle, c'est avoir un salaire. Oui. Salaire où on va s'occuper de toi, on va te donner une maison, on va te faire de la nourriture, c'est comme un salaire. C'est comme l'ancien qu'on va voir la semaine prochaine. L'ancien, surtout celui qui doit. Surtout celui qui va être à la prédication et à l'enseignement. Tous les anciens doivent être honorés, mais il y a des anciens qui vont avoir une double honneur. Donc là, on peut jouer là-dessus, ça veut dire quoi? Mais c'est ça, là. Mais ici, dans ce sens-là, pour moi, ça m'a fait. Je pourrais dire plaisir de voir ça, de cette approche-là, et c'est à me montrer. De voir qu'il y a une place pour ça aussi dans l'Église. Il y a une place qui. Il y a un rôle à jouer là dans l'Église qui peut être très favorable à maintenir l'Église dans la vérité ou la redresser. Parce que je ne peux pas croire que ces femmes âgées-là, qui ont une belle réputation, qui sont comme ils ont décrit là, qui n'auront pas d'influence dans l'Église. Ils vont avoir de l'influence dans l'Église. Ils vont avoir de l'influence avec les jeunes femmes, les jeunes veuves. Ils vont avoir une influence. Donc, c'est automatique. Surtout dans une culture où ce que les hommes et les femmes, les relations, c'était pas comme aujourd'hui. Là. Tu t'approcherais pas trop proche d'une femme ou d'un homme s'il n'était pas ton mari. Donc, c'est encore plus important que ces femmes-là jouent un rôle spécial dans l'Église. C'est pour ça qu'ils vont en parler dans la deuxième épître. Que les jeunes femmes, les femmes âgées s'occupent des jeunes femmes et qu'ils enseignent à aimer leur mari, à s'occuper de leur maison, tout ça. Ils vont avoir un rôle dans ce domaine-là. Donc, plutôt de laisser les jeunes femmes oisives d'aller de maison en maison, les femmes plus âgées vont peut-être aller voir ces jeunes femmes-là et s'en occuper, aller prier avec eux autres, les encourager, les instruire, parler avec eux autres, les aider à garder la foi, à marcher vers le Seigneur. Hey, fais attention, là. Cet homme-là, il enseigne des vérités autres que Dieu. Tu devrais te méfier de ce gars-là, tu sais, là. Fais attention. Donc, ça, je vous dis, ce que Paul parle, dans Timothée, je parle, Paul se soucie plus de la foi de l'Église que du sort de la vieille femme, de la femme veuve, devrais dire. Il est moins. Je ne dis pas qu'il est sans cœur, qu'il dit, bon, laisse-la crever de faim, c'est pas grave. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est important que vous faisiez ça afin que ces femmes-là restent irréprochables. Que finalement, elles ne vont pas aller s'attacher à Satan, à des fausses doctrines. Puis ça va aider l'Église à se redresser et à partir droit dans la foi. OK? Ça fait-tu du sens à votre tête? Oui? OK. Donc, on va terminer là pour aujourd'hui. Je vais prier. Ensuite, ça, Gaétan va nous diriger dans le repas du Seigneur. Donc, je vais demander à quelqu'un de prier. Michel, veux-tu prier pour nous? Oui. Pour le repas? Non, pour l'enseignement. Okay. Qu'on puisse mettre en pratique l'enseignement. OK. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, c'est toujours tellement bon de fouiller dans les Écritures, de regarder ce que tu nous as laissé comme Écriture. C'est dans ta parole, Seigneur, qu'on peut te voir, on veut comprendre ce que tu veux nous dire. C'est pour ça que l'enseignement, c'est tellement important. Merci aussi de nous éclairer par ton Saint-Esprit, de nous guider, Seigneur, de nous diriger, afin qu'on puisse aussi, glorifier ton nom. Et c'est toi, Seigneur, qu'on veut glorifier. Ouais. On te loue, on t'exalte, on t'adore. Sois béni, Seigneur grand Dieu. Amen. Amen. Amen. Merci encore, François, pour cet enseignement. on ne l'a pas entendu souvent, cet enseignement-là, mais c'est un bon enseignement concernant les Écritures. J'aimerais, si vous voulez, tourner avec moi dans Apocalypse 19. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Ceux qui désirent le faire, naturellement. Apocalypse 19. Le verset 1. Après cela, j'entendis comme une voix forte d'une foule nombreuse dans le ciel qui disait « Alléluia ». Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu parce que ses jugements sont véritables et justes. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son inconduite et il a vengé le sang de ses adversaires en le réclamant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant, Amen, Alléluia. Une voix sortit du trône, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix de grandes eaux et comme la voix de fortes tonnerres, disant « Alléluia !» Car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. On a pu voir dans ce verset que le mot « Alléluia » était souvent employé. Mm. J'ai regardé sur Internet, j'ai demandé à M. Vogel c'était quoi vraiment la signification ou l'emploi de « Alléluia ». Puis il y en a une que je trouve, la définition que M. Vogel donne, j'ai trouvé très bonne, puis je trouve que ça s'applique bien avec ce qu'on vient de lire. Et Alléluia est employé pour se réjouir d'un événement extraordinaire. Et l'événement extraordinaire, dans les versets qu'on vient de lire, c'est les noces de l'agneau. Mm-hmm. Et nous tous ici, on est invités aux noces de l'agneau. Mm-hmm. On ne sait pas encore la date, mais on va être aux noces de l'agneau. Ça, c'est une certitude. Et quand je regardais ça, c'est quelque chose. Imaginez-vous, nous autres, on va être invités au plus gros, au plus grand festin que jamais eu lieu. Et nous, on va être là. Peut-être que on peut se poser la question, peut-être vous vous posez la question, pourquoi parler des noces de l'agneau avant de prendre le repas du Seigneur? On pourrait se poser la question. Mais quand j'ai préparé ça, je voyais que tout ce qui on a lu, tout ce qui a été fait, tout ce qui va avoir Dieu a été rendu possible par la mort de l'agneau parfait, Jésus. Mm. Sans ça, il n'y a rien de ça qui pourrait arriver. Mm. Mais Jésus a accompli ce que son Père lui avait confié et il a rendu toutes ces choses-là possibles. mais aussi la plus grande chose qui va nous arriver, je crois, à chacun de nous, c'est qu'on va être réunis, puis on va pouvoir dire, crier, Alléluia. Le salut, la gloire, la puissance est en notre Dieu. Et ça, on va pouvoir faire ça. Prenons quelques instants pour prier. Seigneur, on se prépare à partager le pain et la coupe. Cet événement, c'est un grand événement qu'on se prépare à faire et c'est quelque chose que tu nous demandes de faire. Et Seigneur, on veut que tu sensibilises nos cœurs, qu'on ne soit pas indifférent quand on se rappelle ce que ton Fils a été et ce qu'il a fait. Donc, rappelons-nous ce que Jésus a fait lorsqu'il est venu sur cette terre. Rappelons-nous le dernier repas qu'il a pris à ses disciples, avec ses disciples. Il a pris le pain, il l'a rompu, il l'a partagé avec eux, il leur dit: prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Mangeons. Pris la coupe, la partagea avec eux, en leur disant: ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Buvons. On va écouter un chant et après, ceux qui le désirent pourront s'adresser au Seigneur. Hallelujah. Oui, notre Dieu, le texte que Gaétan a lu me demandait tout à l'heure si l'agneau de Dieu qui va être assis avec nous, on va avoir encore les mains percées. Est-ce que quand on va être assis à cette table, on va pouvoir voir ce que c'est à cause de lui qu'on est assis à ce banquet? On te remercie que tu as bien voulu, dans ta grâce, dans ta bonté, c'est ce que Jean dit. La grâce est venue par Jésus-Christ. La vérité est venue par Jésus-Christ. Tu es venu nous montrer, pendant que tu étais sur la terre, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, la justice de Dieu. On ne peut jamais douter que Dieu est juste. Parce que le repas du Seigneur nous le rappelle. Dieu est juste. Il condamne le coupable. Mais tu es aussi bon. Tu le ramènes à la vie. Puisses-tu, Seigneur, comme on a vu aujourd'hui, nous emmener toujours plus loin dans l'expression de notre foi, dans l'exercice de notre foi, dans l'exercice de la piété. Qu'on puisse être un reflet selon ce que tu nous as donné, homme ou femme, selon notre éducation, selon nos caractères, qu'on puisse démontrer ce que nous croyons. Qu'on puisse manifester qui tu es. Et non pas parce qu'on veut paraître correct, mais on veut que tu paraisses, toi, correct. On a vu ensemble aujourd'hui que cela t'est agréable quand tes enfants marchent dans la foi. Puisses-tu, Seigneur, nous accompagner dans la semaine qui vient et qu'on puisse être un sujet d'édification, d'encouragement quand on va se rencontrer les uns les autres, qu'on puisse s'édifier, s'exhorter, s'accompagner les uns les autres dans notre marche chrétienne. Qu'on ne va pas juste réprimander, qu'on ne va pas juste dire, mais qu'on puisse accompagner les gens, premièrement dans la prière, et qu'on puisse ainsi s'entraider mutuellement à t'attendre dans la foi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. J'accepte le thé, merci, parce que ma carture a dit accepter les compliments et donner gloire à Dieu. Je vais le faire, je vais le faire. C'est pas de bon cœur, monsieur Eric. Ça fait pas une base.